I'm so excited, les Pointer Sisters sur RGM, un peu plus de 8h37. On est toujours dans la matinale et on parle anniversaire. Ils sont nés un 23 janvier 1948, naissance d'Anita Pointer, chanteuse américaine des Pointer Sisters. 1950, naissance de Richard Dean Anderson, acteur américain connu pour son rôle du docteur Jeff Weber dans la série Hôpital Central, son rôle d'Angus MacGyver dans la série MacGyver et son rôle du général Jack O'Neill dans Stargate SG, ainsi que dans quelques épisodes de Stargate Atlantis et Stargate Universe. 1957, naissance de Caroline Grimaldi, princesse de Monaco. 1958, naissance de Laurent Boyer, animateur français de télé et de radio. On peut citer dans ses émissions phares, hein, Fréquence Star entre 96 et 2006, ou encore Graines de Star entre 96 et 2003. C'est également l'année de naissance de Christophe de Chavannes, animateur français de télé et de radio. Ces émissions, eh bien, Ciel mon mardi, Coucou c'est nous, Les 100 plus grands, La ferme célébrité saison 1 et saison 2, Je suis une célébrité, Sortez-moi de là, La roue de la fortune ou encore Une famille en or. 1959, naissance de Didier Bourdon, acteur, réalisateur, scénariste français du trio comique Les Inconnus, vu dans Le téléphone sonne toujours deux fois, Les trois frères, Le retour dans le rôle de Didier Latour, Le Paris dans le rôle de Didier, Les rois mages dans le rôle de Balthazar, Fanfan la tulipe dans le rôle de Louis XV, 7 ans de mariage dans le rôle d'Alain, dans Madame Irma dans le rôle de Francis, alias Madame Irma, Bambou, l'épreuve 2 dans le rôle de Serge Cutiro, Alibi.com dans le rôle de Gérard, Les nouvelles aventures de Cendrillon, La promesse de l'aube, Garde alternée, Il sera l'affiche de Nicky Larson et Le parfum de Cupidon, sorti prochainement, c'est au mois de février, hein, il me semble, scénariste du film Le téléphone sonne toujours deux fois, Les trois frères, Le Paris, Les rois mages, 7 ans de mariage, Madame Irma, Bambou, Les trois frères, Le retour et réalisateur des trois frères, récompensé par le César du meilleur premier film, Le Paris, Les rois mages, 7 ans de mariage, Madame Irma, Bambou et Les trois frères, Le retour. 1964, naissance de Mariska Hargitay, actrice américaine connue pour son rôle du lieutenant Olivia Benson dans New York Unité Spéciale, ainsi que dans quelques épisodes de New York Police Judiciaire ou encore Chicago Police Department. 1972, naissance de Léa Drucker, actrice française, vue dans Assassin dans le rôle de Léa, K.O. 3-0, Les Brigades du Tigre, le film dans le rôle de Léa, Coluche, l'histoire d'un mec dans le rôle de Véronique Colucci, Cyprien, La vérité si je mens 3 dans le rôle de Muriel Salomon, ou encore la série télé Le Bureau des légendes dans le rôle du docteur Balms. 1974, naissance de Derek Cianfrance, réalisateur américain qui l'on doit Blue Valentine. C'est également l'année de naissance de Bernard Diomède, ancien footballeur français ayant fait carrière de 1992 à 2006 en jouant à Auxerre, Liverpool, Ajaccio, Créteil, Lusitano et Clermont Foot. Et il a été champion du monde en 1998. C'est également l'année de naissance de Anne Marivin, actrice française, vue dans Ah si j'étais riche, Chouchou, Narco, Podium dans Anne la Claudette, Prête-moi ta main, Ne le dis à personne, Bienvenue chez les ch'tis dans le rôle d'Annabelle de Koenig, Incognito, Les petits mouchoirs dans le rôle de Juliette ou encore Red Dingue. Et c'est aussi l'année de naissance de Tiffany Amber Thiessen, actrice américaine connue pour son rôle de Kelly Kapowski dans la série télé Sauvée par le Gong, son rôle de Valérie Malone dans Beverly Hills, celui de Marty dans Un toit pour trois, celui de Billy Chambers dans Fastlane ou encore celui d'Elizabeth Burke dans FBI du très spécial. 1978, naissance de Walen, chanteuse franco-marocaine. 1982, naissance d'Éric Amoulay, journaliste présentatrice télé française. 1985, naissance de Dutienne Kroos, mannequin actrice néerlandaise, connue pour son rôle de Venelia dans les films Wonder Woman et Justice League. 1986, naissance de Pablo Andújar, joueur de tennis espagnol, professionnel depuis 2005. Meilleur classement à l'ATP, la 32e place atteinte en 2015, de finaliste à Roland-Garros ainsi qu'à Wimbledon et 32e de finaliste à l'Open d'Australie et l'US Open. 1987, naissance de Louisa Nessib, ancienne footballeuse française ayant fait carrière de 2004 à 2016 en jouant à Clairefontaine, à Montpellier et à l'Olympique Lyonnais d'ailleurs avec l'OL. Elle est à 9 fois vainqueur du championnat de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France et vainqueur de la Ligue des Champions en 2011, 2012 et 2016. En 1997, décédé Richard Berry, compositeur et chanteur américain, et en 2010, décédé Roger Pierre, acteur humoriste français assez connu pour son duo comique avec Jean-Marc Thibault. Allez, avant de marquer une pause musicale, comme tous les mercredis, on fait un point sur les sorties cinéma. Et on commence tout de suite avec le film The Hate U Give, La haine qu'on donne, un drame de George Tillman Jr. avec Amanda Stenberg, Regina Hall et Russell Hornsby. Autre film, La Mule, un drame biopic de et avec Clint Eastwood aux côtés de Bradley Cooper ou encore Laurence Fishburne. Que du beau monde hein, dans ce film. Alors on continue avec Green Book sur les routes du Sud, drame biopic de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali et Linda Cardellini. Autre film, Yao, comédie dramatique de Philippe Godot avec Omar Sy, Lionel Louis Bass et Fatoumata Diarra. Autre film, continué, un drame aventure de Joachim Lafosse avec Virginie Efira, Cassemote Klein et Diego Martin. Autre film, Les Petits Flocons, comédie de et avec Joséphine Demeau, aux côtés de Grégoire Ludig ou encore Gustave Kervern. Autre film, L'Ordre des médecins, drame de David Roux avec Jérémy Renier, Marthe Keller ou encore Zita Enro. Autre film, Les Fauves, un thriller de Vincent Mariette avec Lily Rose Depp, Laurent Lafitte ou encore Camille Cotin. Autre film, Alien Crystal Palace, comédie dramatique de et avec Ariel Dombal aux côtés de Nicolas Kerr et Asia Argento. Et enfin, dernier film, Ma vie avec James Dean, comédie de Dominique Choisy avec Johnny Rass, Michael Pellissier ou encore Nathalie Richard. Voilà pour les sorties ciné. On marque tout de suite une nouvelle pause avec la chanteuse Wallen et le titre L'Olivier. Oh, Wallen avec le titre L'Olivier sur le 107 FM. Il est un petit peu plus de 8h48 et il est donc temps pour nous de faire un point sur la météo. La météo. Alors, c'est vrai qu'il nous annonçait un petit peu une météo catastrophique hein, pour cette nuit et pour ce matin avec pas mal de neige. Or, il n'en est rien. Bon, c'est pas plus mal. Hein, on peut aller travailler tranquillement. Mais par contre, la neige va bel et bien arriver. Alors, soit en milieu de matinée, soit pour le début de cet après-midi. En attendant, ce sera des nuages. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 0 et 1 degré pour cet après-midi. Jeudi sera une journée nuageuse, des températures comprises entre moins 5 et moins 4 degrés le matin, entre moins 2 et moins 1 degré l'après-midi. Jeudi, journée nuageuse journée nuageuse également, des températures comprises entre moins 2 et moins 1 degré le matin et entre moins 1 et 0 degré prévues pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite à l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le tennis et l'Open d'Australie. Honneur aux dames hier. Kvitova s'est qualifiée en 2-7 face à Barty. 6-1, 6-4. Aujourd'hui, Osaka s'est qualifiée en 2-7 face à Svitolina. 6-4, 6-1. Et Serena Williams, qui a eu 4 balles de match, eh bien, s'est inclinée en 3-7 face à Pliskova. 6-4, 4-6, 7-5. Et à noter en double féminin la qualification de Mladenovic en duo avec Babos pour la finale. Après avoir battu la paire Brady et Risk 6-4, 6-2. Côté messieurs, hier, Rafael Nadal s'est qualifié en 3-7 face à Tiafoe, 6-3, 6-4, 6-2. Il y a quelques instants, mais alors vraiment quelques instants, à croire que c'était fait exprès, hein. Merci Lucas Pouille. Il s'est qualifié en 4-7 face à Milos Raonic, 7-6, 6-3, 6-7, 6-4. Il se qualifie donc pour les demi-finales. À suivre le match entre Novak Djokovic et Kei Nishikori. Et en double, messieurs, à noter la qualification pour les demi-finales de la paire Herbert-Mahut qui sont venus à bout des frères Brian en 2-7, 6-4, 7-6. Un mot de football maintenant avec les 16e de finale de la Coupe de France et Nancy qui n'est pas passé très loin de la qualification et malheureusement s'incline après prolongation 2-1 face à Guingamp. Metz n'a fait qu'une bouchée de Monaco, 3-1. Toulouse s'est qualifiée après la séance de tir au but face à Reims, 4-3. Lille s'est imposée sur le petit score de 1-0 face au club de 7, un club de National 2. Ce soir, Orléans se déplace à Bergerac, Caen se déplace à Viry-Châtillon. Il y aura Saint-Étienne face à Dijon, Saint-Privé-Saint-Hilaire opposé à Rennes et PSG Strasbourg. Et le match de Nantes sera donc reporté après la disparition de leur ancien joueur Emiliano Sala, toujours introuvable, je vous rappelle les faits. Son avion qui le transportait jusqu'à Cardiff lundi a tout simplement disparu. Les recherches se poursuivent mais ne donnent toujours rien. Et plus les jours passent et plus on a des informations, notamment un message du joueur de foot et qu'il envoyait à ses copains argentins. Qui fait vraiment très froid dans le dos. En tout cas, voilà, vive émotion à Nantes hier où des supporters se sont rassemblés pour rendre hommage à Emiliano Sala, même s'il y en a quand même qui espèrent avoir une bonne nouvelle. Un hommage a été rendu également à Cardiff, là où il devait jouer. Allez, on continue dans le foot avec Balotelli. Ça y est, il est à Marseille pour 6 mois. On va enfin cesser d'en entendre parler. Et on va parler maintenant de Cristiano Ronaldo qui a été condamné hier par le tribunal espagnol à 23 mois de prison ferme et 18,8 millions d'euros d'amende. Il ne fera pas la peine de prison puisque je vous le rappelle, en Espagne, les peines en dessous de 24 mois ne se font pas. Il est ressorti avec un grand sourire du tribunal espagnol. Mais alors quand je vous dis grand sourire, c'est vraiment grand sourire. Un mot de basket maintenant avec la Pro B, les 16e de finale de Coupe de France où Nancy s'est qualifiée face à Sorgue 77 à 92. En NBA, l'équipe d'Oklahoma de Lua Okaboro qui n'a pas joué s'est imposée 123 à 114 face à Portland. Et l'équipe de Phoenix de Okobo qui n'a inscrit aucun point et qui a joué seulement 3 minutes s'est inclinée 91 à 118 face au club du Minnesota. On va parler des mondiaux paralympiques où Marie Bochet a remporté hier le slalom géant. Et on termine avec du handball messieurs et le mondial. Et ce soir, la France qui affronte la Croatie. La France qui, je vous le rappelle, est déjà d'ores et déjà qualifiée hein, pour les demi-finales qui auront lieu vendredi. Pour l'instant, on ne sait pas par contre l'horaire de la demi-finale de l'équipe de France. Hein, ce sera soit aux alentours de 17h, soit aux alentours de 20h30. On verra ça, je pense, avec le résultat de ce soir. En tout cas, je vous tiendrai au courant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Allez les Bleus. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive d'aujourd'hui. On va marquer notre dernière pause musicale avec le chanteur Richard Berry, connu pour le titre Louis Louis, et qu'on écoute bien tout de suite. Richard Berry sur RGM, pile 8h56, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, un point sur ce qui vous attend aujourd'hui. À 9h, regarde ailleurs, 10h, les ados avec l'IME de Saint-Amé, 13h30, la rediffusion de la chronique La Cristoire du cinéma avec Chris. À 14h, ce sera la rediffusion de Maud Lubeck qui présente son album Divine. 16h, vous retrouverez toute l'équipe de 90 minutes pour Boomerang. 20h, Nothing But The Blues. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous.